César! Oh! Tu attends quelqu'un? Moi? Et pourquoi j'attendrais quelqu'un? Ah, ben je ne sais pas, moi. Monsieur Panis, pourquoi m'espionnes-tu? Par qui es-tu payé? À quoi ça te sert? Mais monsieur César, je ne t'espionne pas! Oui? Alors pourquoi viens-tu avec des yeux luisants de policier me demander si j'attends quelqu'un? Mais César, dans le fond, que tu attends de quelqu'un ou que tu n'attends de personne, j'ai l'honneur de vous informer que je m'en fous complètement. Je ne te demande rien d'autre. Oui, bien que servir. Escartefig s'élance au secours de Panis. Dis donc, César! Quoi? Moi, j'ai comme l'impression que tu attends le facteur. Moi, j'attends le facteur? Et pourquoi j'attends le facteur? Je ne sais pas, moi. Peut-être pour voir s'il ne t'apporte pas une lettre de ton fils. Pas vrai, Panis? Attends-la, Félix! Je te défends à t'occuper de mes affaires de famille. Moi, par exemple, je te demande pas si c'est vrai que ta femme te trompe avec le président des plusieurs jurés, n'est-ce pas? Je te le demande pas, ça. Tu me le demandes pas, mais tu me l'apprends. Oh, coquin de sort! Ah, c'est pas vrai, va, Félix, c'est pas vrai, va. Ouais, bah, que ce soit vrai ou non, moi, je veux rien savoir. Et toi, Félix, imite ma discrétion. Ne me parle pas de Marius. Et quant à toi, beau masque, prends-en de la graine. Ah, mais moi, je ne t'ai rien demandé. Ni moi non plus. Non, oui, mais je sais, vous ne me demandez rien. Mais vous avez une façon de dire, je ne te demande rien, qui veut dire, je voudrais exactement savoir. Et vous me forcez à vous faire des confidences. Oh, pas du tout, César. Non, mais je t'assure que pour moi, je ne veux rien savoir du tout. Oui, c'est-à-dire qu'après une amitié de 30 ans, tu te fous complètement de tout ce qui peut m'arriver. Mais non, c'est ça. Mais oui, on aurait. Ce sont tes propres mots que tu as dit tout à l'heure. Je m'en fous complètement. Non, mais j'ai dit ça pour te faire plaisir. Si tu ne veux rien nous dire, ne dis rien. Et si tu veux nous dire quelque chose, eh bien parle. Eh bien là, eh bien parle. Non, mais je savais bien que vous finirez par me questionner. Mais j'en étais sûr. Eh bien, puisque vous me forcez à parler, moi je vais te répondre. Mais non, César, non, on ne te force pas. Mais oui, on me force. Mais enfin, voyons. Ah, je vous en prie, monsieur Brun, foutez-moi la paix, hein. Puisqu'on me force à parler, au moins laissez-moi la parole. Laissez ça, parle, César, parle. Bon. Donc je vois dans vos yeux, dans les yeux de tout le monde, même dans ceux des passants, que vous avez pitié de moi. Oh, je sais très bien ce que vous dites, et que je ne suis pas là. Vous devez dire, il doit pleurer tout seul la nuit dans cette grande maison vide. Il ne s'occupe plus du bar. Il attend des nouvelles de son fils qui ne lui écrit jamais. Et ça brise le cœur de cet homme. Eh bien, puisque vous dites des choses pareilles, puisque vous attachez de l'importance à une histoire qui n'en a pas et à laquelle je ne pense jamais, il faut que je m'explique une fois pour toutes. César, expliquez-vous, ça mettra tout au point. Bon. Tout à l'heure, Félix, tu m'as demandé si j'attendais le facteur. Eh bien non, je n'attends pas le facteur. Parce que quand ton garçon a eu le courage d'abandonner son vieux père et de ne pas lui écrire même une seule fois depuis 29 jours, il y a guère d'espoir qu'il lui écrive le 30e. Tous se regardent, surpris et attristés. D'abord, il ne pouvait pas t'écrire avant sa première escale. Et sa première escale, c'est Port-Saïd. Eh bien, monsieur, d'après les journaux, la Malaisie a touché Port-Saïd le 7 août, il y a 12 jours. Pour que la lettre te revienne, il faut presque 2 semaines. Ah, Landor, il y a un courrier qui fait le service en 9 jours. Mais il ne le fait pas tous les jours. César est stupéfait et ravi. Vous croyez ça? Ben, naturellement, voyons, j'en suis sûr. Ah, oui? Mais d'ailleurs, pourquoi perdre son temps à parler de cette chose? Ça ne m'intéresse absolument pas, alors. Oh non, César, ça ne t'intéresse absolument pas? Allez, vaille! Tenez, une supposition que ce garçon ait eu l'idée tous les jours d'écrire une petite lettre à son père, un petit mot, pour lui dire « Je me porte bien, je pense à toi, je me figure ton chagrin, etc., etc., n'est-ce pas ?» Et une supposition qu'il ait mis tous les soirs sa petite lettre de côté, et que la semaine dernière, en arrivant à Port-Saïd, il les ait toutes mis d'un seul coup à la poste. Enfin, une supposition que le facteur entre à l'instant dans ce bar et me dise « Monsieur César, voilà pour vous !» et me remette un paquet de lettres de 3 kilos, de quoi lire toute la nuit en les relisant 3 fois chacune. Eh bien, je prendrai ce paquet, je le foutrai sous le comptoir, je ne l'ouvrirai pas, parce que ça ne m'intéresse pas. Allez, Mike, tu ne prends pas croire que tu n'aimais pas ton fils. Ah, si j'avais dit ça, au contraire, je l'adorais, ce garçon. Mais après ce qu'il m'a fait... Mais en somme, que vous a-t-il fait? Mais oui, en somme. Oh, coquine des padillots, en somme. Mais oui, voyons, César, en somme, que vous a-t-il fait? Il m'a fait qu'il est parti. Eh bien, à 20 ans, ce garçon n'avait pas le droit de partir. Non, monsieur, il n'avait pas le droit de partir, sans me le dire. Ça, c'est vrai. Ce qu'il a fait là, ce n'est guère en folie. Mais si tu l'avais dit, qu'est-ce que tu aurais fait? Je lui aurais expliqué qu'il n'avait pas le droit. Oui, et même au besoin, tu lui aurais expliqué un grand coup de pied dans le cul. Et puis, le marre. Ah, je te prie de croire Au bout d'un quart d'heure, je lui ai fait passer le goût de la marine. Mais voilà. Vous voyez donc, il a bien fait, il n'a rien vous dit. Ah, c'est ça, il a bien fait, c'est ça, vous félicitez l'ingrat, vous approuvez le révolté de l'initié en bolchevique, vous voyez. Et il veut démolir la famille, et il faut s'entendre dire ça dans son bar. Mais c'est inouï, ça, c'est inouï. Mais enfin, voyons, César, après tout, si cet homme veut naviguer. Cet homme? Quel homme? Bah, lui, c'est un homme. Marius, un homme, pour cette vie. Et il a 23 ans, à cet âge-là, vous étiez déjà marié. Moi, oui. Vous étiez un homme. Moi, oui. Alors, ce qui était vrai pour vous n'est pas vrai pour lui. Non. Et pourquoi? Parce que, pour moi, j'ai toujours raisonné différemment. Ah. Parce que moi, je n'étais pas mon fils. Voilà. Eh bien, César, permettez-moi de vous dire, avec tout le respect que je vous dois, que vous êtes un grand égoïste. Eh bien, voilà un qui t'en envoie pas dire, ouais. Par bien chance. Et si cet homme veut naviguer, vous n'avez pas le droit d'en empêcher. Oh, mais si vous naviguez, qui navigue? Oh, bon Dieu, mais qui navigue, oui, voudra. Mais pas sur l'eau. Mais alors, où veux-tu qu'il navigue? Mais je veux dire, qui navigue pas sur la mer, qui navigue, fait comme toi, sur le vieux port, là, ou sur les rivières, ou sur les étangs, ou... Et puis, nom de Dieu, est-ce qu'on a besoin de naviguer pour vivre, hein? Est-ce que M. Panis se navigue, lui? Non. Pas si bête. Lui, il fait des voiles. Il fait des voiles pour que le vent emporte les enfants des hommes.